Chapitre 3. Ce fut Lagadec le premier qui, au petit matin, constata l'extraordinaire disparition de la Marianne. « Faut vraiment qu'elle se soit envolée. Hier encore, elle était là, deux brasses de la cale. »« Bah !» riposta Maradour, posant à terre la crosse du fusil qu'il venait de décharger sournoisement devant la maison de Garec pour sonner à sa façon le réveil au nouveau marié. « Faut croire que ton patron aura été la marée un peu plus loin. » « Sans ce dernier brouillard de malheur, tu la verrais, ta Marianne, son pavillon toujours frappé au bout du mât, car il doit dormir à cette heure, le Jean-Marie Hervé. Il s'en est assez donné au bal de cette nuit. Ha ha !» Lagadec, peu convaincu, secoua les épaules. « J'ai de fameux yeux malgré la brume et j'ai rien vu. C'est bien plutôt le brouillard des bolets et des gouttes qui t'aveuglent. Tu as rudement fêté la noce pour ton compte. » Le pêcheur se grattait la tête de ses ongles carrés, ne pouvant s'empêcher de rire et avouant. « Quelle noce tout de même !» Ses petits yeux vrillaient autour de lui, fouillant le port, cherchant à percer le blanchâtre rideau sous lequel disparaissaient la chapelle, le fortin et toutes les côtes. Des barques se profilaient vaguement, çà et là. Il ajouta « Je vois bien la Corentine, l'autre était à côté !» Le quai s'anima. Des carrioles étaient tirées des remises, des chevaux conduits au bain à grands claquements de fouet, avant d'être remis dans les brancards. Pierre Guibarc, l'air épanoui, se frottait les mains, arrivant à petits pas et s'arrêtant parfois pour jeter un coup d'œil à ce mur blanc dressé entre Camaret et la mer. Balanec lui demanda « C'est-y du beau temps, capitaine ?» Le maître de port répondit, les épaules hautes. « Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus moyen de s'y connaître. Autrefois, je vous aurais dit le temps 24 heures d'avance, mais c'est plus ça. Tout est dérangé, que je crois. Les vents sautent du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on n'y connaît plus rien. » Une brume qui a l'air de tenir, ça a pris assez tard, vers les minuit, pour engraisser ensuite. « Oui, oui, » continua Guibarc, « il y en avait une dans ce goût-là, le jour où nous sommes allés dans les champs, là-bas, en Cochinchine, avec notre navire. C'était le matin, on était dans la rivière de Saïgon, à ne voir rien de rien. Pourtant, j'avais de la méfiance. On va très doucement. Où diable qu'on va, comme ça, que je me dis, bon... Le bateau arrive droit dans un pré, à droite, à gauche, autour de nous, des arbres. On peut se tromper, mais pas comme cela. Du coup, le commandant s'écrie « Nous n'en sortirons pas !» On s'en est tiré, mais ça a été dur. Une sonnaillerie de grelots devant l'hôtel de la marine attira leur attention. « C'est la Bernardine qui s'en va. Eh bien, elle attend seulement pas son garçon d'honneur, » remarqua Balanec. « Hier, j'aurais cru la chose en bon chemin avec Hervé. » Tante Rosalie parut sur le seuil en compagnie d'un vieux paysan. « Le père Moal, parions que c'est lui qui veut partir. L'hôtel, ça coûte trop cher, » expliqua Maradour. Une explosion de rire accueillit l'observation. Une tête extraordinaire, ce bonhomme. Âgé au moins de 80 ans, la barbe grise en collier ébouriffé, prise en partie sous la cravate montant haut, la lèvre supérieure mal rasée, trois ou quatre dents dans la bouche, la chevelure longue, un culte des anciens bretons, s'échappant d'un crasseux chapeau noir qui semblait aussi âgé que lui, avec sa peau momifiée coupée de mille rides en tous sens, semblable à une antique peinture craquelée, où les yeux gardaient une vivacité inquiète. Il semblait se débattre sous l'argumentation serrée de la doyenne de Camaret, qui lui parlait d'Hervé Guibarc, ne voulant pas le laisser partir sans un consentement, affirmant que ce serait un fameux gendre pour lui et que sa fille ne demandait pas mieux. Lui baissait la tête, examinait ses sabots, ses bas de laine, s'entêtant dans un refus où l'on sentait percer son avarice phénoménale, la crainte de la dot à donner. Les autres s'étaient rapprochés, venant se mêler à la conversation, et Maradour interpella le paysan. « Eh bien, tonton Yann, à quand la noce ?» Un rire plissa toute la peau rissolée du visage de celui-ci quand il répondit « C'est-y la mienne que vous voulez dire ?»« Ah, le rusé gredin, impossible d'en tirer quelque chose !» C'était bien l'homme étrange qui, là-bas, dans le merveilleux petit village de Kerloc, noyé au fond de l'anse de Dinan, le long de la route de Camaret à Crozon, vivait dans une chaumière croulante, sordide avec son purin de fumier devant la porte, se privant de tout, se refusant tout à lui et aux siens, dans la crainte de dépenser un sou de sa fortune. une fortune représentant de 15 à 20 000 francs de rente en champs, propriétés, bestiaux, numéraires cachés. De vraies légendes couraient sur lui et Maradour s'amusait à le taquiner chaque fois qu'il le rencontrait, sachant le chatouiller aux endroits sensibles, faire jaillir les mots d'avares de sa vieille peau, de ses lèvres sèches, comme les étincelles d'un silex adroitement frappé. Souvent, il le prenait à partie à cause de son entêtement à ne pas vouloir faire donner d'instructions à sa fille. Moal répondait « Je ne sais ni lire ni écrire, est-ce que ça m'empêche de vivre ?»« C'était bon de votre temps !» faisait le boucher. « Alors on n'avait pas besoin de tout cela, mais les temps ont changé, on ne peut plus se tirer d'affaire autrement !» Le vieux ricanait. « Pas besoin d'instructions pour garder les moutons !» C'était à cela, en effet, qu'il employait Bernardine, par tous les temps, pluie, froid, soleil, chaleur, sans pitié. Ce matin, Maradour lui dit, pour le toucher, pour savoir s'il restait en lui quelque chose de sensible, d'humain. « Possible qu'un de ces jours elle y reste, vous savez. C'est pas un métier pour une jolie fille comme elle. Vous feriez bien mieux de la marier, vous auriez des petits-enfants, c'est gentil. » Une moue mauvaise, bestiale, crispa ses lèvres de parchemin. Ses yeux brillèrent, impitoyables. « Madouée, qu'elle crève pourvu que je vive, moi. Vous êtes encore solide pour quelqu'un qui s'est toujours privé de tout. » « Mais à qui laisserez-vous votre fortune ?» insinua le boucher. « À personne. Je vivrai 100 ans et plus. » Vigoureux, encore droit, il sembla narguer tout le monde dans sa superbe de sordide avare, achevant de harnacher son maigre bidet avec la même impassibilité, tandis que sa fille, l'air triste, tête basse, n'osait regarder personne ni rien dire. Tante Rosalie allait insister encore, quand une voix derrière le groupe annonça « Personne, j'ai ouvert sa porte, il n'a pas couché cette nuit. » C'était Lagadec, toujours préoccupé de son patron et qui revenait du Stivel, où le lit non défait, la chambre vide, prouvait qu'Hervé Guivarc n'était pas rentré chez lui. En même temps, la brume se levant un peu, découvrit tout le port, et il fut facile de constater que, sauf la Marianne, toutes les barques étaient là, au complet, aucune n'ayant osé se risquer dehors par ce temps dangereux. L'évidence s'imposait maintenant. Hervé était parti tout seul sur sa barque, sans doute au milieu de la nuit, peut-être avant que le brouillard ne fût devenu aussi opaque, car il était inadmissible qu'il se fût enfoncé volontairement dans cette obscurité pleine de périls. « Il ne fait rien comme les autres, celui-là !» gronda Balanec un pli soupçonneux aux lèvres. « Possible qu'il ait eu quelque chagrin ?» souffla à mi-voix Maradour en montrant Corentin et Marianic sortant de leur maison. Comme les mariés approchaient, Pierre Guivarc leur apprit la nouvelle. Le patron du canot de sauvetage eut un tressaillement et fit atterrer. « Alors, cette nuit, vous croyez ?» il murmura, regardant sa femme. « Ce serait lui, ce bruit que j'ai cru entendre sur les 4 heures. Un adieu ?» C'était comme une voix de cauchemar qui avait traversé son beau rêve d'amour, une sorte de plainte ululant à travers les ténèbres, rampant le long de la maison. Marianic dormait profondément lorsque Corentin, éveillé en sursaut, avait pensé percevoir cet appel, quelques mots, la lamentation d'un être humain. À présent, il ne doutait plus, c'était Hervé. Un claquement de fouet coupa l'air, des grelots tintèrent, la carriole des Moals partait, au milieu d'aboiements de chiens, de cris d'enfants. « Bah !» dit Pierre Guivarc, « il aurait été tiré quelques bordées à Brest, et nous allons le voir revenir demain ou après-demain. Il a mieux fait. » Cependant, au fond de lui, une crainte vague persistait, un pressentiment que ce n'était pas là la vérité, et ce fut comme un voile funèbre endeuillant la joie des nouveaux époux. Puis ce brouillard prit vraiment mauvaise figure. Au lieu de se lever ainsi que cela arrivait souvent, avec le mouvement de la marée, après s'être quelques instants déplacé, éclairci, il revint dans l'après-midi plus épais, empêchant les rayons du soleil d'arriver jusqu'à la terre, couvrant uniformément les côtes, les écueils, la mer. Malgré le calme, pas un pêcheur n'osa s'aventurer au-delà de la jetée. Dans la nuit qui suivit, sur les 11 heures, ce rideau laiteux s'envola, déchiré par un vent d'abord léger, ensuite de plus en plus violent, dont les miaulements aigus sifflèrent longuement aux joints des fenêtres, aux fissures des portes. La mer se couvrit de moutons écumeux, jetant de courtes vagues contre le quai. « Au diable !» songea Pierre Guivarc, qui avait veillé assez tard et se préparait seulement à se mettre au lit. « Pourvu que cet enragé soit allé se mettre à l'abri quelque part, voilà un coup d'orage qui n'est pas bon. » Invinciblement, ses yeux, à travers les ténèbres, cherchèrent la photographie accrochée près de la cheminée, sous le rameau de buis, et il entendit distinctement la voix d'Yvonne dans la pièce voisine. Il alla écouter à la porte. Elle chantonnait en breton. Quand la mort frappe à la porte, tous les cœurs sont frappés d'effroi. Un frisson le prit en reconnaissant le chant des trépassés. Dehors, la tempête fit rage jusqu'au matin.